Chers amis, bonjour. Hoy estoy en el estudio con el profesor Jean-Marie Flores. Jean-Marie Flores es profesor de la Universidad de Pau y ya estuvo con nosotros varias veces en este programa. Y hoy nos dijo que nos iba a hablar de una cosa muy de moda, muy al día, porque es un tema candente, y es el tema de las relaciones transfronterizas entre Francia y España, y nos va a hablar de Canfranc. Tenemos una estudiante que ya nos habló de Canfranc, pero muy por encima. Usted nos va a hablar muy profundamente, ¿verdad? ¿Qué es Canfranc? Voilà. Alors, Canfranc est d'abord un petit village qui se trouve dans le nord de l'Aragon et qui est à la frontière entre l'Espagne et la France. Alors, Canfranc est au milieu des Pyrénées et pendant très longtemps, les Espagnols, surtout les Aragonais, rêvaient d'avoir un passage pour s'ouvrir vers l'Europe, pour s'ouvrir, ce que disait Joaquín Costa, vers la civilisation. On considérait que l'Europe, c'était la civilisation, et dans le programme de Joaquín Costa, qui était aragonais de Huesca, donc Joaquín Costa a œuvré beaucoup pour que Canfranc soit une réalité. Les Aragonais, depuis 1850, grosso modo, rêvaient de ce passage des Pyrénées, mais malheureusement, les autorités de l'époque, d'une part, les compagnies ferroviaires, d'autre part, mettaient beaucoup de freins. Et en réalité, si le rêve des Aragonais débute vers 1853, lors d'une réunion à Saragosse, la réalité va être que le premier train, ne passera par les Pyrénées qu'en 1928, qui est la date de l'inauguration de Canfranc. Pero había pasos, no había caminos. Ah, bien sûr, il y avait un passage. D'ailleurs, Canfranc se trouve en bas d'un col que l'on appelle son port, du latin sumus portus, qui est donc le passage que les Romains empruntaient, que les Arabes ont emprunté, et c'est donc un passage célèbre. Et donc, les autorités ont tout fait, quand même, les autorités espagnoles. Il faut dire que les Espagnols ont beaucoup plus bataillé pour avoir ce passage. Tenían más interés, seguramente. Es curioso porque nosotros en el Béarn hay muchas familias que se apellidan Largunest. Oui. Y es el aragonés, claro, es la versión, lo cual quiere decir que había relaciones ya normales en los valles, por los valles. Oui, mais en fait, moi, ce qui m'a frappé lors des études que j'ai pu faire dernièrement sur les relations transfrontalières, c'est que il n'y avait pas tellement de relations entre les vallées. On aurait pu croire. Et pourquoi? Simplement parce que les Pyrénées centrales sont des Pyrénées très hautes. Bien il sûr. Y a beaucoup de neige et par conséquent, pendant les périodes d'hiver, les périodes difficiles, il est pas aisé de pouvoir passer d'une vallée à l'autre. Par contre, dans la mesure où Canfranc était un passage, beaucoup d'Espagnols, effectivement, depuis 1914-15, au moment où la France est en guerre, c'est la Première Guerre mondiale, ce chemin de fer qui était construit de part et d'autre, parce que entre Saragosse et Canfranc, il y a à peu près 150 kilomètres, entre Canfranc et Pau, qui est la ville, la capitale du Béarn, bon, il y a également une centaine de kilomètres, donc les travaux étaient importants. Les Français étaient à la guerre, et donc on a eu besoin des Aragonais pour venir travailler. Okay. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'Aragonais, si tu veux, à Oloron. Par exemple, oui. Oloron est une ville pas très loin de Pau. Je peux te dire que la moitié de la population a des origines espagnoles. Bien sûr, c'est vrai. C'est très réconfortant que l'Europe ait déjà existé. Oui. Par contre, après, bien sûr, il y a la guerre civile. Alors, avec la guerre civile, bien que l'Aragon ait très, très, très vite été entre les mains des franquistes, donc pour les personnes qui fuyaient, prenaient d'autres passages, il faut dire qu'à Canfranc, il y avait une unité de militaires très importante. Et par conséquent, lorsque les Espagnols voulaient fuir, alors ils prenaient bien sûr des sentiers de bergers. Sentiers de bergers qui deviendront après, bien évidemment, plus importants. Non, très bien. Alors ça, c'est Canfranc, donc, dans l'histoire. Oui. Vous allez nous parler, après, de Canfranc, dans une autre histoire. Voilà, dans une autre histoire. Bon. Alors écoutez, vous savez ce que je vous propose? On va écouter un petit peu de musique. Oui. Et puis vous allez nous raconter la suite de ce Canfranc qui vraiment m'intrigue énormément. Alors on va écouter un peu de musique et puis on va reprendre tout de suite. D'accord. À tout de suite. Quel est le premier train qui vous fera danser, ouais? Allez danser tous le tapage. Invitez des copains qui savent bien danser, ouais. Allez danser tous le tapage. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Non, oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, venez danser. Pour tout bagage, quelqu'un qui vous plaît. Wow, wow. Attention au départ, il faut vous dépêcher. Ouais. Venez danser tous le tapage. Il est déjà trop tard, le train va démarrer. Ouais. Bien, nous sommes de nouveau ensemble. Vamos a hablar otra vez entonces de Canfranc. Yo he oído decir que ha habido una polémica sobre Canfranc. A ver, ¿en qué consiste? Voilà. ¿Nos puedes decir? Oui, alors, si vous voulez, dans l'histoire, Canfranc a joué un rôle très important que l'on a passé sous silence pendant des décennies. Hein. Ce qui s'est produit, c'est que lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les Allemands ont pris possession en quelque sorte de l'espace de la frontière à Canfranc, et le drapeau allemand a été dressé, hissé en même temps que le drapeau français. Autrement dit, les Allemands, même si sur le plan militaire ils n'étaient pas très importants, sur le plan des contrôles ils avaient un pouvoir. Oui, à l'époque de la zone occupée. C'est ça, c'est la zone occupée, hein. Et donc, pendant cette période-là, il y a une polémique qui a surgi en 2005, vous voyez, c'est tout récent, c'est les fameux papiers, les papiers de la honte, que c'est le titre du livre de Jonathan Diaz, Los papeles de la vergüenza, dont les papiers de la honte. Jonathan est un chauffeur qui fait le trajet entre Oloron et Canfranc. Et un jour, en se promenant, il a découvert des papiers jaunes qui traînaient sur la voie. Il en a pris quelques-uns, les a ramenés chez lui, et là, il s'est rendu compte que ces papiers avait énormément de d'informations concernant les transports qui avaient lieu à Canfranc. Ces transports étaient doubles. D'une part, les Allemands envoyaient l'or, ce qu'on appelle l'or de la honte, l'or nazi. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et donc, c'est l'or qui avait été donc volé dans les pays occupés par les Allemands, ou tout simplement l'or que l'on avait pris aux Juifs lorsqu'ils étaient dans les camps de concentration, les montres, les bracelets, les bijoux, toutes sortes d'objets, en plus des objets personnels, qui ont été fondus, qui ont été blanchis en Suisse, et depuis la Suisse, en passant par Bellegarde, la frontière de Bellegarde, les trains donc transportaient des lingots d'or à Canfranc. En échange, bien entendu, les Espagnols qui recevaient cet or pour l'Espagne et également pour le Portugal, renvoyaient des matières premières qui servaient à Hitler à construire les armes. Autrement dit, cet or a eu un rôle très important, d'abord parce qu'il a permis un commerce, des échanges qui étaient interdits, il ne faut pas l'oublier, interdits par les États-Unis et par les Alliés, hein, qui avaient interdit tout commerce avec Hitler. Donc, vous voyez que Franco n'a pas du tout respecté puisque l'Espagne n'était pas dans la guerre. Hein. L'Espagne était considérée comme un pays neutre. Et donc, normalement, l'Espagne n'aurait jamais dû avoir ce transport. Or, on savait que Hitler avait envoyé de l'or en Espagne. Les historiens le savaient depuis toujours. Ce que les historiens ne savaient pas, c'est que cet or avait transité par Canfranc. Et c'est grâce à ces papiers de la honte qu'on l'a su. Alors, il y a un journaliste à qui on doit beaucoup dans ce domaine, c'est le journaliste de l'Heraldo de Aragon de Saragosse, Ramon Campo, qui a écrit un autre livre qui est remarquable, qui s'intitule « El oro de Canfranc ». Et là, ce journaliste fait une étude remarquable sur tous les rapports qu'il y a eu entre l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, et ceci dans un livre remarquable que je suis en train de traduire en français, justement. Ah, hein? Le livre sortira, je pense, d'ici 6-7 mois, dans la collection Atlantica. Muy bien, entonces ya estamos preparados para otra polémica, porque cuando salga tu libro, o sea, la traducción de ese libro a Francia, ¿qué va a pasar? Voilà, donc en principe, je pense qu'en France, ce livre aura une certaine écoute, tout simplement parce qu'il y a aussi la polémique de la réouverture de la ligne. Car la ligne de Canfranc, vous savez, depuis 1970, ne fonctionne que entre Saragosse et Canfranc, hein, côté espagnol, elle fonctionne très bien. Seulement, du côté français, de Canfranc jusqu'à Oloron, c'est un autobus. Et d'Oloron jusqu'à Pau, c'est un train. C'est la raison pour laquelle il y a en France une association qui s'appelle le CRELOC, Comité pour la réouverture de la ligne Oloron-Canfranc. Et du côté espagnol, il y a aussi une autre association qui milite pour la réouverture de la ligne à Saragosse, mais qui est moins virulente parce que du côté espagnol, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est du côté français. Mais nous avons que dire pourquoi se cortó esa línea. ¿Qué pasó? Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Le 27 avril 1970, un vendredi saint, il avait fait très très très froid et la voie était gelée. Il y a eu un train de marchandises qui est arrivé entre Bedous, le petit village de Bedous, et Canfranc. Ce train Bedous a déraillé. Bedous, c'est l'ultimo pueblo? Non, c'est les Forges d'Abel, le dernier village. Ah, les Forges d'Abel, c'est vrai. Voilà. Bedous, et c'est l'autre antérieur. Voilà. C'est un village qui est à peu près à 30 kilomètres. Hein? Et donc, le train est entre Bedous et les Forges d'Abel, donc le train a déraillé. Les deux machinistes, c'était un train de marchandises, hein, les deux machinistes qui étaient présents ont pu sauter du train et le train est parti dans le Gave en emportant bien sûr un pont, un des 30 et quelques ponts qu'il y a donc sur le parcours. Et la SNCF, c'est-à-dire la compagnie française dont des chemins de fer, la SNCF n'a jamais voulu reconstruire un pont parce que elle disait que c'était pas rentable. Bueno, pues nada. Vamos a ver si esta semana que están juntos el señor Sarkozy y el señor Zapatero se ponen de acuerdo y volvemos a construir el puente y los túneles y a ver si tenemos ya nuevamente una comunicación por España. Oui, mais de toute façon, il faut savoir que entre Marcelino Iglesias de Saragosse et Alain Rousset de Bordeaux, il y a déjà un accord et la future ligne s'appellera la ligne Francisco Goya. Ay, qué bien. Bueno, qué buenos proyectos tenemos. O sea, que más allá de las reuniones políticas, hay un acuerdo profundo entre Francia y España del que nos alegramos un montón, ¿verdad? Muy bien. Chers auditeurs, merci d'être resté avec nous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, au revoir et à bientôt.